Les grandes espérances, de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. Cinquième épisode. Pip est devenu apprenti forgeron. Estella, la jeune fille qu'il aime et qu'il a rencontrée chez Mademoiselle Havisham, est partie à l'étranger par faire son éducation. Et voilà que sa sœur se fait sauvagement agresser. La police enquête sans résultat. Accablé de toutes parts, Pip rencontre alors un étranger à la mine sévère et inquiétante qui dit avoir une révélation à lui faire. Après une marche silencieuse, nous nous retrouvâmes dans le salon, chichement éclairé par une seule bougie. L'homme s'assit à la table, rapprocha le bougeoir, feuilleta un carnet qu'il avait dans la poche et scruta l'obscurité, passant de Joe à moi, comme s'il était incertain de qui était qui. Je m'appelle Jaggers et je suis avocat à Londres. J'ai une certaine renommée. Une renommée certaine. On m'a chargé d'une affaire inhabituelle dont je ne suis pas l'initiateur. Si on m'avait demandé mon avis, je ne serais pas ici. On ne me l'a pas demandé et vous me voyez donc ici. Je représente une tierce personne et c'est tout. Monsieur Gargery, je suis porteur d'une offre qui mettrait fin à l'apprentissage de ce jeune homme. Vous ne verriez pas d'inconvénient à rompre son contrat d'apprentissage à sa demande et pour son bien. Le ciel me protège de jamais rien faire pour contrarier Pip. Votre évocation est pieuse, mais hors sujet. La question est, voulez-vous quelque chose ? Non. Ah bon ? Bien, bien. Tâchez de vous en souvenir et n'essayez pas de revenir là-dessus. Qui parle de revenir là-dessus ? Pas moi. J'en reviens à ce jeune homme. De grandes espérances s'ouvrent devant lui. On m'a chargé de lui communiquer qu'une fortune conséquente va lui échoir. Et que l'actuel possesseur de cette fortune conséquente désire voir ce jeune homme quitter immédiatement son environnement actuel pour recevoir une éducation de gentleman, digne d'un jeune homme avec de grandes espérances. À vous maintenant, monsieur Pip. La personne qui m'a donné ces instructions désire que vous vous appeliez toujours Pip. Vous ne verrez pas d'objection, j'imagine, à voir vos grandes espérances encombrées d'une condition aussi facile. Si vous en voyez, c'est le moment de m'en faire part. Non. Non. Ce serait un comble. Deuxièmement, monsieur Pip, le nom de votre généreux bienfaiteur devra rester secret jusqu'à ce que cette personne en décide autrement. Elle vous révélera son identité en tête à tête. Quand, où, je ne saurais dire, nul ne saurait dire. Vous ne devez en aucun cas chercher à identifier, vous référer, faire allusion, même de loin, à la personne en question, sauf à l'appeler la personne quand nous devrons l'évoquer. Si votre cœur nourrit un soupçon sur son identité, qu'il le garde pour lui. Que cette interdiction soit fondée, grave ou purement capricieuse, cela ne vous regarde pas. En acceptant et en observant cette condition, vous vous trouvez engagé. Encore une fois, ce n'est pas une condition très encombrante pour cette fortune soudaine, mais si vous avez la moindre objection, c'est le moment de la mentionner. Parlez. Non, pas d'objection. Ce serait un comble. Maintenant, nous en arrivons au simple détail de l'arrangement. D'abord, il ne s'agit pas que d'espérance. J'ai déjà entre les mains une somme d'argent largement suffisante pour assurer votre entretien et une éducation convenable. Vous me considérerez comme votre tuteur. Merci, monsieur. Autant le dire tout de suite, je suis payé pour ces services, sinon je ne m'en acquitterai pas. On considère que vous devez recevoir une meilleure éducation à la hauteur de votre nouvelle situation et on s'attend à vous voir l'entreprendre immédiatement. Vous savez, c'était mon rêve. Monsieur. Peu importe vos rêves, monsieur Pip, tenez-vous-en à notre accord. Me confirmez-vous que vous êtes prêt à vous placer immédiatement sous l'autorité d'un précepteur adéquat ? Vous êtes d'accord ? Oui. Oui, je suis d'accord. Bien. Je dois consulter vos goûts concernant le choix de votre futur précepteur. Une mauvaise idée selon moi, mais cela fait partie de ma charge. Avez-vous entendu parler d'un précepteur qui serait préférable à un autre ? Non. J'en connais un qui pourrait correspondre à vos besoins. Je ne le recommande pas, notez-le, je ne recommande jamais personne. Le gentleman auquel je pense s'appelle Matthew Pocket. Ah, je vois que vous le connaissez. De nom seulement. Bien. Vous le connaissez de nom, mais la question est, qu'en pensez-vous? Je vous suis très reconnaissant de me recommander... Non, mon jeune ami, non. C'est bien essayé, mais ça ne marche pas. Vous êtes bien trop jeune pour réussir à me coincer comme ça. Recommander n'est pas le bon mot. Changez-en. Je vous suis très reconnaissant d'avoir mentionné le nom de Matthew Pocket. Bien. Dans un premier temps, vous pourrez rencontrer son fils qui est à Londres en ce moment. Quand pouvez-vous partir? Tout de suite, je pense. Il faudra vous habiller de neuf pour votre arrivée. Vos tenues de travail ne conviennent pas. On va dire dans une semaine, jour pour jour. Il vous faut de l'argent. Est-ce que 20 guinées vous suffiront? 5, 10 et 20. Eh bien, Joseph Gargery, vous avez l'air stupéfait. C'est que je le suis. On était d'accord que vous ne vouliez rien pour vous, vous vous souvenez? On était d'accord. D'accord, on est, il n'y a pas de raison que ça change. Et si parmi mes instructions, j'avais reçu celle de vous faire un cadeau en guise de compensation? En guise de compenser quoi donc? La perte des services de votre apprenti. C'est tout cœur que Pip est le bienvenu de partir avec ses services et sa liberté pour aller vers les honneurs et la fortune. Par là, je veux dire qu'il n'y a pas de mots pour le dire. Mais si vous pensez que l'argent, ça peut compenser la perte d'un petit enfant et lui avec moi à la forge, parce que par là, je veux dire le meilleur des amis pour toujours. Joe, console-toi. Vu Camille, on l'est pour toujours, sûr et certain. Écoutez-moi bien, Joseph Gargery, pas de faux semblants avec moi. Si vous voulez le cadeau qu'on m'a chargé de vous remettre, parlez et vous l'aurez. Si au contraire, par quoi je veux dire... monsieur Pip, retenez-le! Par quoi je veux dire que si vous venez chez moi pour me harceler et agiter votre chiffon rouge, allez-y donc, il n'y a qu'à régler ça autre homme. Par là, je veux dire que si vous êtes un homme, je suis le vôtre. Par là, je veux dire que je dis, c'est que je veux dire debout ou dehors. Jean! Viens par ici, laisse monsieur Tagger. Par là, je veux dire, non mais, pour qui ça peut concerner, il n'est pas question qu'on peut venir agiter un chiffon rouge et me harceler dans ma propre maison. Quant à votre départ d'ici, Pip, le plus tôt sera le mieux. D'ici une semaine, vous aurez reçu mon adresse. Vous pourrez prendre une calèche en arrivant à Londres et venir directement chez moi. Rappelez-vous que je n'exprime pas la moindre opinion sur la mission que j'entreprends. On me paie pour le faire et je le fais. J'espère que c'est enfin compris et bien compris. Monsieur Jaggers! Excusez-moi, monsieur. Quoi? Qui est-il? Y aurait-il la moindre objection à ce que je fasse mes adieux aux personnes que je connais par ici avant de partir? Aucune. Je veux dire, pas seulement dans le village, mais en ville aussi. Aucune objection. Merci, monsieur. Quand je rentrais dans la maison, Joe n'était plus dans le salon, mais assis devant le feu à côté de Biddy qui travaillait sur une broderie. Je m'assis à côté de lui. Une main sur chaque genou, il regardait fixement brûler les charbons et je me mis à les fixer également. Plus je regardais les charbons incandescents, moins j'arrivais à regarder Joe. Plus le silence durait, moins j'arrivais à parler. Au bout d'un long moment, je réussis à rompre le silence. Joe, tu l'as dit à Biddy? Non, Pip, je pensais que t'allais le faire. J'aimerais bien que ce soit toi qui lui dise. Pip est devenu un gentleman fortuné, et que Dieu le bénisse dans sa fortune. Quelle chance, Pip! Toi qui en parlais justement l'autre jour. Je suis bien contente pour toi. Et moi, pareil. Je vous rappelle que nous sommes tous les trois tenus au secret concernant l'identité de mon bienfaiteur. On en saura plus long en temps voulu, mais d'ici là, il ne faut rien dire du tout. À part qu'un mystérieux protecteur me promet de grandes espérances. C'est une obligation que je te promets de remplir sans faute, Pip. Moi, pareil. Je la remplirai sans faute ni erreur. Oh là là, de t'imaginer en gentleman, c'est pas évident. Non, ça va nous faire drôle, mais c'est drôlement bien aussi. Pour toi. Samedi soir. Encore 5 jours. Et puis le jour avant le jour. Ils vont passer vite. sûr qu'ils vont passer vite. Bonne nuit. Je leur souhaitais la bonne nuit et montais dans ma chambre. Le soleil avait brillé toute la journée et il y faisait bon. J'ouvris la fenêtre et regardai dehors. Je vis Joe sortir de l'ombre et faire quelques pas. Et puis je vis Biddy sortir, lui apporter une pipe et la lui allumer. Ils parlèrent, de moi beaucoup. J'entendis mon nom plusieurs fois. Je me reculai et m'assis sur la chaise près de mon lit, trouvant étrange et triste que cette première soirée de ma brillante fortune soit aussi celle de ma plus grande solitude. Le matin éclairait mon avenir si brillamment que tout en était changé. Après avoir mangé, je partis pour une promenade solitaire dans l'idée d'en finir avec les marais une fois pour toutes. Passant devant l'église, j'éprouvai une magnifique compassion pour les pauvres créatures destinées à y retourner dimanche après dimanche, toute leur vie durant, avant de reposer enfin dans l'obscurité, entourées de pauvres et vertes ondulations. Je me promis de faire quelque chose pour ces pauvres gens un de ces jours. Je leur offrirai un dîner de rôti et de pudding, arrosé de pintes de bière et de galons de condescendance. Me revint à l'esprit ma rencontre avec le forçat fiévreux et misérable, entravé de chaînes. Il devait être loin aujourd'hui, mort pour moi et peut-être réellement mort pour le coup. Je m'endormis sur l'herbe et je fus étonné en me réveillant de découvrir le visage souriant de Joe qui fumait sa pipe à mes côtés. Vu que c'était la dernière fois, Pipe, je me suis dit que j'allais te suivre. Ça me fait très plaisir, Joe. Merci, Pipe. Être sûr, mon cher Joe, que je ne t'oublierai jamais. Ah ben, ça, j'en suis sûr, Pipe. Ouais, ouais, mon vieux. Il fallait juste que ça fasse le tour complet de ma tête avant d'en être certain. Et ça a pris du temps de faire tout le tour, vu comme le changement est arrivé sans prévenir. Hein? Effectivement, c'est arrivé soudainement. Mais comme je souhaitais depuis longtemps devenir un gentleman, j'ai déjà amplement réfléchi à la question de ce que je ferais si je le devenais. C'est vrai? Incroyable. Par conséquent, c'est vraiment dommage que tu n'aies pas davantage progressé dans nos leçons. Tu ne trouves pas? Ça, j'en sais rien vu que je suis une vraie buse, sauf pour ce qui est de mon métier. Mais c'est pas plus dommage aujourd'hui qu'il y a 12 mois, tu vois. L'innocence de Joe ne lui permettait pas de comprendre que je l'aurais souhaité plus à la hauteur de mon futur statut. Je décidai d'en parler plutôt à Biddy. Ma chère Biddy, je voulais te dire que je ne t'oublierai jamais. J'ai aussi une faveur à te demander. Certainement, Pip. J'aimerais que tu laisses pas échapper la moindre occasion d'aider Joe. Il a donc besoin qu'on l'aide? Bien, Joe est le meilleur type au monde. Il n'y en a pas que j'aime davantage, mais il est plutôt arriéré dans certains domaines. Par exemple, pour ce qui est de ses connaissances et de ses manières en général. Ah, ses manières en général. Ses manières ne te conviennent donc pas? Ma chère Biddy, ici, elles conviennent parfaitement. Ah, elles conviennent parfaitement ici. Écoute-moi jusqu'au bout. Si je décidais de hisser Joe dans une sphère supérieure, comme j'en ai l'intention une fois ma fortune assurée, elle ne lui rendrait aucunement justice. Et tu crois qu'il n'est pas au courant? Vraiment, je ne comprends pas ce que tu veux dire. As-tu jamais envisagé que Joe soit un homme fier? Fier? Oh, la fierté prend de nombreux visages, il n'y en a pas qu'une sorte. Et pourquoi tu t'arrêtes? Joe est peut-être trop fier pour se laisser déplacer de là où il est. Un homme compétent et respecté à sa juste place. La vérité, c'est que c'est aussi mon avis. Même si j'ai bien du culot de le dire, étant donné que tu le connais beaucoup mieux que moi. Vraiment, Biddy, je ne l'aurais jamais cru, mais tu es envieuse. Et tu m'en veux de ma chance de m'élever dans le monde? Cela transpire malgré toi. Si tu as le cœur de penser cela, tu as raison de le dire. Ne me renvoie pas ce qui est dans le fond de ton cœur à toi. C'est un triste penchant de l'humanité. J'avais l'intention de te demander de profiter des plus minuscules opportunités de faire progresser Joe après mon départ, mais je ne te demande plus rien maintenant que j'ai vu ce qu'il y avait au fond de ton cœur. Un triste penchant de l'humanité. Tu peux partir en pensant ce que tu veux de moi. Cela ne changera rien à mes souvenirs de toi. Mais un gentleman ne devrait pas être injuste. Nous nous séparâmes alors, mais le matin suivant, je décidai de me montrer clément envers Biddy et de ne plus aborder le sujet. Je me rendis tôt chez le tailleur, M. Trabb. En plein petit déjeuner, il ne jugea pas utile de se lever pour moi. C'était un vieux célibataire aussi prospère que son coffre-fort où s'alignaient des paquets de prospérité, j'en étais sûr. Son commis, le garçon le plus insolent de la région, passait le balai. Bonjour, il me balaya au passage quand j'entrais dans la boutique, puis cogna son ustensile bruyamment contre les meubles pour faire entendre qu'il valait bien n'importe quel forgeron, mort ou vif. Salut mon garçon, t'as besoin de quelque chose? Je ne voudrais pas avoir l'air de me vanter, mais je suis en possession depuis peu d'une petite somme d'argent. Faites-moi l'honneur de vous asseoir, monsieur. Nous avons là une étoffe particulièrement délicate qui vous conviendrait parfaitement, car elle est d'une qualité extra supérieure. Mais je vais vous en montrer d'autres. Celui-ci est léger, idéal pour l'été. C'est un article très apprécié par l'aristocratie et la gentry. Je crois que vous avez déjà mes mensurations. Ah non, non, elles ne suffiront pas. Je vais tout reprendre immédiatement, si vous voulez bien approcher. Après avoir visité le chapelier, le cordonnier et le bonnetier, je me dirigeais chez Pumblechook qui m'attendait impatiemment sur le pas de sa porte. Monsieur Pumblechook. Je me suis levé tôt pour venir à la forge où j'ai appris la nouvelle. J'avais hâte de te voir. Entre, entre. J'ai préparé une petite collation. Entrez et assieds-toi. Mon cher ami, je me réjouis de ta bonne fortune. Quelle joie! Et comme c'est mérité, amplement mérité, de penser que j'ai été l'humble instrument de ce grand événement est déjà en soi une belle récompense. Monsieur Pumblechook, je vous prie, n'en parlons plus jamais, même par allusion. Mon cher jeune ami, si tu m'autorises à te nommer ainsi. Mais certainement. Mon cher jeune ami, compte sur moi pour faire mon petit maximum en ton absence, afin que Joseph garde toujours cette nouvelle réalité à l'esprit. Joseph. Joseph. Ce pauvre Joseph. Mais, mon jeune ami, tu dois être affamé et épuisé. Sers-toi, il y a du poulet, de la langue et des petites choses que tu ne dédaigneras pas, je pense. Mais est-ce bien celui avec qui je jouais dans son enfance heureuse qui se tient là devant moi? Voilà du vin. Buvons. Remercions Dame Fortune et qu'elle choisisse toujours ses favoris avec un jugement aussi sûr. Tiens, prends le foie et l'aile. Volaille, volaille. Tu n'aurais pu imaginer dans ton commencement le sort qui t'attendait. Tu n'aurais pu imaginer que tu viendrais un jour sous cet humble toit combler l'appétit d'un jeune homme tel... Je pense aussi à ta sœur qui a eu l'honneur de t'élever à la main. Et c'est bien triste de penser qu'elle n'est plus à même d'apprécier l'honneur. Buvons à sa santé. Ah, c'est à cela qu'on reconnaît les esprits généreux, toujours magnanimes, toujours affables. À Madame Joe Gargery, Je me suis permis de demander au tailleur de livrer mon nouveau costume chez vous, si cela vous convient. Mais comment donc? Mais avec quel plaisir et quel honneur. Mange donc un peu. Ça va refroidir. C'est excellent. Quand je sortis à l'air libre, il me sembla que le soleil n'était pas à sa place et je me retrouvais au croisement des routes sans conscience d'avoir marché. 4 jours plus tard, j'essayais mon nouveau costume dans la salle de bain de Pumblechook. Il est sans doute normal d'être déçu par un vêtement neuf dont on attend beaucoup et au bout d'une demi-heure, sans réussir à voir mes jambes dans la psyché de Pumblechook, il me sembla que le costume tombait mieux. Malgré tout, en me rendant chez Mademoiselle Havisham, je ne pus m'empêcher de me sentir aussi peu à mon avantage que Joe dans son costume du dimanche. Quand j'entrais dans la salle à manger, Mademoiselle Havisham se livrait à son exercice quotidien autour de la table, appuyée sur sa canne. Elle se retourna à mon entrée. Elle était juste à la hauteur de la pièce montée pourrie. Alors, Pip ? Je pars demain pour Londres. Et j'ai pensé que vous auriez la gentillesse d'accepter que je vous salue. Que voilà une drôle de tournure. Le col est ample, la chemise raide, les chevilles bien dégagées. Le sort m'a été si favorable depuis la dernière fois que je vous ai vu que j'en suis extrêmement reconnaissant, madame. Oui, oui, j'ai vu Monsieur Jaggers, Pip. Ainsi, tu pars demain ? Oui, madame. Adopté par quelqu'un de riche ? Oui, madame. Dont on ignore le nom ? Oui, madame. Et Monsieur Jaggers est nommé ton tuteur ? Oui, madame. Eh bien, une carrière pleine de promesses s'ouvre devant toi. À toi de la mériter, par ton comportement sous la houlette de Monsieur Jaggers. Au revoir, Pip. Est-ce que tu sais que tu t'appelleras toujours comme ça ? Oui, madame. Au revoir, Pip. Au revoir, madame. Elle me tendit la main que je portais à mes lèvres, un genou à terre. Le geste me vint spontanément. La semaine passa plus vite que prévu et le samedi suivant me fit face avec un aplomb que je ne partageais pas. J'avais apprécié chaque jour davantage la compagnie de Joe et de Biddy. Le dernier soir, je me changeais pour leur plus grand plaisir et restais dans ma splendeur jusqu'à l'heure du coucher. Pour l'occasion, nous mangeâmes chaud, mais nous étions tous trois très abattus malgré nos efforts de gaieté. C'était « Les grandes espérances » de Charles Dickens. Traduction et adaptation, Sylvie Granotier. 5e épisode. Avec Jacques Gamblin, Samuel Charles, Yann Boudot, Aurélie Nusillard, Bruno Abraham Crémer, Dominique Raymond, Philippe Magnan, Olivier Clavry, Jordan Brandao-Rodriguez. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Création sonore, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Emmanuel Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Nior, Manon Houssin. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Juliette Eman. Vous retrouverez le générique complet sur le site franceculture.fr.